Évariste Ndiko Banyanga. Bonsoir à toutes et à tous. Emmène tous et Mitebouti assure la mise en onde à la présentation de ce journal. Vous venez de l'entendre, c'est moi, Évariste Ndiko Banyanga. Je vous donne d'abord l'essentiel de l'actualité. L'on célébrait ce 13 mai une année de destruction méchante de la radio Isanganiro, en particulier à Saint-Côte-en-Général. C'était juste après le coup d'État avorté du 13 mai 2015. Des arrestations en cascade font toujours parler d'elle. En commune Mugamba, nous sommes dans la province de Bururi. Mais l'administrateur de cette commune parle des arrestations qui ne visent que des suspects pour des raisons d'enquête. Et le torchon brûle au sein du parti Sawanya Frodebou Nyakuri, au moment où il est prévu ce dimanche un congrès qui aurait l'agenda de destituer Jean Minani à la tête de ce parti. Son secrétaire général Isangi Nakumana parlait d'un pseudo-congrès. Rebonsoir. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous sommes le 14 mai 2016, date à laquelle les médias indépendants ont été détruits après le coup d'État manqué du 13 mai de l'an dernier. Deux médias sur sept, dont cinq détruits, ont repris leurs émissions. Les professionnels des médias ne demandent que la réouverture des médias indépendants qui restent toujours fermés. Je vous le disais en titre, le parti Sawanya Frodebou Nyakuri, Ilagi Yandadaye, n'est pas prêt à reconnaître ce qui va sortir d'un congrès en préparation pour destituer les organes dirigeants de ce parti. Le secrétaire général du parti indique que David Nyonchungu, à la tête d'une liste de gens qui l'aident dans ses préparatifs, n'en a pas les prérogatives. Isangi Nakumana, secrétaire général de ce parti, a ainsi fait savoir Isangi Nakumana dit que les responsables du parti dans tout le pays ont signé un document adressé à tous les administratifs et que le congrès qui est prévu ce dimanche n'est qu'un pseudo-congrès selon lui. Isangi Nakumana, il a été joint au téléphone par Francine Ndokugai. À l'époque, nous voulions montrer que ce David Nyonchungu n'a pas qualité pour représenter le parti. Mais après, nous avons constaté que finalement, la menace qui avait été proférée au niveau de son discours ce jour-là, notamment que le président devait absolument s'expliquer de toutes les accusations qui étaient portées contre lui en déant deux semaines, nous venons de voir qu'ils sont en train de chercher à mettre ça en exécution. Déjà, un président doit s'expliquer devant les instances habilitées du parti, en l'occurrence devant le congrès du parti, pas devant une personne comme David Nyonchungu. Nous venons de constater maintenant qu'ils continuent, qu'ils font les préparatifs pour tenir, entre guillemets, un congrès du parti, alors qu'ils n'ont pas qualité. C'est pour ça que nous avons décidé de porter ceci à la connaissance de nos militants, de l'opinion nationale, mais aussi de l'opinion internationale, pour dire que si un semblant de congrès a lieu, ça ne sera pas un congrès du parti. Si le ministère de l'Intérieur avalise ce congrès, prend les pseudo-PV pour dire qu'il y a eu des décisions, nous voulons dire que nous considérons que ces décisions seront nuls et de nul effet parce que les responsables du parti ont signé, c'est le secrétariat général et les 18 responsables du parti dans les provinces qui sont les représentants légaux de ce parti, qui ont dit non à ce pseudo-congrès. Justement, nous venons d'apprendre que ce congrès aura lieu ce dimanche. Certains habitants de la commune Mugamba, de la province Bururi, dénoncent les arrestations en cascade et irrégulières opérées par la police ces derniers jours. Ils donnent les cas des élèves et professeurs arrêtés sans que même les responsables des écoles soient avisés. Ces habitants de Mugamba disent plutôt qu'ils ne sont pas contre le travail de la police, mais demandent le respect des règles d'arrestation, n'est-ce pas, Obenyongur? Ces habitants de la commune Mugamba réclament le respect des procédures d'arrestation. Cela fait suite aux nombreuses arrestations irrégulières opérées ces derniers temps par la police. L'une de ces dernières a été menée par la police à l'endroit d'un professeur du lycée communal Mugamba, mercredi de cette semaine, comme le témoigne l'un des habitants de cette localité. Les policiers sont venus à bord de deux véhicules. Ils ont franchi l'entrée de l'école et les policiers ont débarqué. Les élèves ont eu peur. Il a été arrêté irrégulièrement. Son professeur a été arrêté au lieu du travail. Ni le directeur, ni ses collègues, personne n'a été mis au courant de cette arrestation. Outre son professeur, les élèves, eux aussi, sont fréquemment arrêtés de la même manière. La police arrête les gens, même les élèves en uniforme avec des cahiers qui rentrent de l'école sont arrêtés. Certains ont même peur d'aller à l'école. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ces habitants de la commune de Mugamba disent qu'ils ne sont pas contre le travail de la police et de traquer les malfaiteurs, mais ils demandent le respect de la loi. On ne refuse pas que des personnes soient interrogées. Mais il faut qu'ils soient interrogés dans la dignité. Il faut qu'on ne marmène pas une personne vraiment. Il faut qu'on le traite dans sa dignité humaine. Ces habitants de Mugamba demandent aussi que les lieux de détention des leurs leur soient communiqués. Ils signalent que certains de ceux qui ont été arrêtés au cours de cette semaine restent introuvables dans les cachots de leur proximité. Merci à Aubin Nyonguru sur ce dossier. L'administrateur de la commune Mugamba a estimé que parfois on exagère quand on relate ce qui se passe dans sa commune. Nyonzima Anissé dit que c'est normal que la police ou les autres forces de sécurité arrêtent tout suspect pour question d'enquête. Il tranquillise que personne ne doit avoir peur sur ces arrestations car, ajoute-t-il, les non-coupables seront relâchés. On l'écoute. À ce qu'ils ont cherché, c'est que les élèves qui ont été arrêtés, c'était en dehors des cours, l'un a été arrêté et après l'étude de l'après-midi, l'autre était au marché d'Otora. Et quant à l'enseignant, il n'était pas encore entré en classe, il venait juste pour donner son cours et c'est à ce moment-là qu'il a été interpellé, avant même qu'il n'entre dans l'école. Sinon, je crois bien que, vu la situation sécurité qui est dans notre pays, surtout dans notre commune, c'est très normal que les services de l'enseignement ou la police ou les forces d'ordre arrêtent quelqu'un pour question d'interrogatoire. Il y a des élèves du lycée communal de Mugamba qui ont été arrêtés. Les informations qui me sont parvenues faisaient état de deux élèves qui sont arrêtés. Et ces deux élèves même qui ont été arrêtés auraient été dénoncés par leur père avec qui ils auraient collaboré dans le temps et qui maintenant collaborent avec l'administration et les forces d'ordre. Est-ce qu'on peut savoir les allégations portées contre ces élèves? Vu la situation sécurité dans notre commune est liée à des cas de tuerie, à des cas de vol et à des cas de possession d'armes, c'est dans cette optique que les gens sont arrêtés pour être interrogés afin de voir si réellement ils en sont coupables ou s'ils n'en sont pas. On dit qu'il y a un élève qui aurait été arrêté ce matin. Non, ce n'est pas un élève, à ce que je sache, c'est plutôt un professeur encadré au lycée communal de Mugamba. Je viens de l'apprendre juste au moment où moi-même je m'apprêtais à me rendre au niveau des travaux communautaires qui sont organisés ce samedi. Qu'en est-il des gens qui ont été arrêtés hier? Les gens qui ont été arrêtés hier, ce sont des originaires de la colline de Gakaranka où les forces d'ordre étaient partis faire une patrouille et une fouille perquisition. Alors on a trouvé que ces gens-là qui ont été arrêtés étaient irréguliers, n'avaient aucune pièce d'identité. C'est dans cette optique qu'on les a amenés au niveau de l'administration pour rendre irréguliers. Par après, ils ont été relâchés, ils sont rentrés. Ce que je dois dire, c'est que si on arrête quelqu'un, rien ne prouve qu'il est coupable de tel ou tel tract. C'est juste pour question d'interrogatoire. Après l'interrogatoire, peut-être on va dégager si celui-ci est coupable ou s'il n'en est pas. S'il est coupable, alors il va être mis devant la justice. Et s'il n'est pas coupable, j'espère très bien qu'il sera relâché. Et on ne doit pas avoir peur, surtout quand on n'a pas une main dans ce qui se passe dans la commune de Mugamba, parce que personne n'est en dehors d'être arrêté pour question d'interrogatoire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 18h10 au studio de la radio Isanganiro. Pénurie d'essence de nouveau signalée dans la ville de Rumonge à Karonda où une seule station en disposait ce samedi matin. Les commerçants de ce produit n'acceptaient pas de s'exprimer à ce sujet. Seulement à une exception près, les écrits de ces stations sont fonctionnelles et sont affichés. Le point avec Jean-Pierre Messago. De longues files de véhicules, de motos, hôpitaux bidons et des gens qui se bousculaient, voulant être servis les premiers, s'observaient à la seule station Kobile dite chez Alimarashi ce samedi matin où un camion cerné venait d'arriver. Ailleurs, comme aux stations dites chez Tite, Burundi Petroleum, Delta, Engen, Interpetrol, Ex-Cocar dans la ville de Rumonge et Delta de Karonda, aucune goutte d'essence ce samedi matin, avec pourtant des écrits même métalliques que ces stations fonctionnent 24 heures sur 24 heures, sauf la station Burundi Petroleum, qui serait parmi les stations sanctionnées selon une source sur place. Certains parmi les employés à ces stations disent qu'à part servir l'essence, d'autres activités y sont effectuées. Un commerçant de ce produit interrogé a refusé de commenter sur cette pénurie. Sur le marché noir au quartier Swahili, de l'essence se vend publiquement à 2500 francs burundais le litre, ce qui pousse les transporteurs s'y approvisionnant à fixer comme ils veulent le prix du ticket du transport. Deux stations distribuaient de l'essence ce vendredi matin, mais les réservoirs s'étaient vidés l'après-midi. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Quittons Rumonge pour Ngozi, où le gouverneur de cette province met en garde les propriétaires des stations d'essence qui n'observent pas l'engagement de continuer l'approvisionnement des consommateurs en ce produit. Des sanctions à la fermeture de ces stations seront prises à une journée de l'expiration de l'ultimatum. Donner une seule station d'essence sur les six qui compte le chef-lieu de la province Ngozi était en service, comme l'a constaté notre confrère Apollinaire Muzagara. Ce jeudi et vendredi, la Commission nationale de dialogue interburundais a lancé l'ouverture du dialogue au niveau communal dans le pays. Cette ouverture a été lancée dans toutes les communes de la province Karusi. Le président de la CNDI indique avoir remarqué de nouvelles suggestions de la population qui n'avaient pas été signalées lors des consultations précédentes au niveau des provinces. Blaise Pascal Kararumi. Après les communes de Mutumba, Gitaramuka, Bugenuzi et Gihogazi, où s'est déroulé ce jeudi le 12 mai le dialogue inter-burundais, ce vendredi était le tour de trois communes restantes, à savoir Buhiga, Nyabikere et Shombo, dans la province de Karusi. Cela marquait l'ouverture de ce dialogue inter-burundais au niveau communal pour tout le pays, comme l'indique le président de la Commission nationale du dialogue inter-burundais, qui présidait ce dialogue à Buhiga. Les participants dans ce dialogue à Buhiga ont donné plusieurs catégories de remède aux violences qui ont endeuillé le pays depuis de longues dates. C'est entre autres la justice impartiale qui serait un remède des violences comme la plupart l'ont indiqué. Certains disent aussi que la constitution et les accords d'Arusha devraient être retouchés pour les actualiser. Cela est dit au moment où d'autres proposent l'annulation des accords d'Arusha. Il y en a qui prônent aussi pour le retour de la peine capitale dans la loi burundaise. Pour ce qui est du mandat du président de la République, certains disaient que le mandat du président de la République devrait être supprimé pour que le peuple lui-même puisse faire les élections. Pour d'autres, ils proposent que le régime du mandat devrait rester après le consensus. Pour ce qui est du dialogue, certains proposent que le dialogue inter-burundien soit arrivé au niveau collinaire et d'autres proposent que le dialogue avec les opposants au gouvernement devrait être sans tarder. Pour une paix durable, explique-t-il. Ils expliquent aussi que la cohabitation entre les petits peuples est bonne dans tout le pays. Ils demandent que ceux qui sont partis en exil, de même que les déplacés internes, puissent retourner sur les collines. Le président de la CNDI a terminé en affirmant qu'ils ont déjà remarqué quelques nouvelles suggestions et que ces dernières seront prises en considération lors du rapport. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumié pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise Pascal Kararumié pour ce reportage. Quittons Karusi pour le Bubanza. Vous parlez de ce désagrément dans les enceintes de l'hôpital de Bubanza, de Manda plutôt, où les malades de l'hôpital général de Manda justement se lamentent de l'état des lieux, des latrines qui dégagent souvent des odeurs nauséabondes. Cela fait souvent suite à leur bouchage. Le manque d'eau est l'une des causes majeures, explique le médecin directeur du dit hôpital, Spes Caritas Cabañana, correspondance. L'hôpital général de Manda, en commune Manda, est en étage et a été construit par les Chinois en 2011. Il présente un problème de lieu d'aisance qui ne sont pas bien fonctionnels. Le plus souvent, il dégage une odeur nauséabonde, surtout dans les salles de la maternité et de la pédiatrie. Suite aux déchets qui ne parviennent pas à être évacués, les malades qui le peuvent sont obligés de descendre chercher d'autres lieux d'aisance en bas du bâtiment. Mais les malades graves et les femmes qui ont accouché ne le peuvent pas. Le médecin directeur de l'hôpital général de Manda explique que ce problème de lieu d'aisance est causé par les utilisateurs qui y jettent n'importe quoi et qui font qu'il soit souvent bouché. Le manque d'eau dans cet établissement sanitaire et enfin les tuyaux à faible calibre qui ne parviennent pas à évacuer tous les déchets. Docteur Jérémy Kambayeko, directeur de l'hôpital de Manda, ajoute que cet hôpital est souvent obligé de débloquer des fonds énormes pour pouvoir déboucher ces lieux d'aisance et vidanger les fosses septiques en bas du bâtiment. Rescaitas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. 18h17 au studio de la radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouzi pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Et vous étiez avec Evariste Ndikoananga. Nous vous souhaitons la meilleure des soirées. Mais dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu écrit sur un arrêt aux lourdes peines. Il revient sur le jugement rendu le 9 mai dernier par la Cour suprême de Gitega contre les auteurs présumés du putsch manqué d'il y a une année. Ce jugement a condamné 21 officiers de l'armée et de la police à perpétuité pour leur implication dans la tentative de coup d'État. Un arrêt décrié par l'opposition et la société civile selon Iwachu. Le Sénared, via Jérémy Minani, qui est le commissaire en charge de la communication et des relations publiques, parlait d'une honte pour la justice burundaise. Pas de surprise pour Pacifique Ninina Hazoué, président du Forum pour la conscience et le développement. Et pour Charles Nditije, président de l'UPRONA non officiel, ces condamnations montrent que la justice est à l'œuvre du parti au pouvoir. Arusha en procès, titre encore le journal Iwachu. Il écrit qu'après les conseils du géopoliticien panafricaniste belge Luc Michel de ne pas prendre part au pourparlers inter-burundais d'Arusha, le pouvoir donne des coups de boutoir contre ce dialogue. Est-ce qu'Arusha est la clé? Est-ce qu'Entebbe est la solution? Ou Bruxelles? Se demande Willy Nyamitwe, conseiller en communication du chef de l'État. Autant de questionnements soulevés après une conférence publique co-animée avec Luc Michel, le nouvel ami du Burundi. Celui-ci appelle Bujumbura à ne pas prendre part au dialogue inter-burundais sous les auspices de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Mais malgré tout, Bujumbura restait beau. L'agence Net Press l'exprime à travers des humours face à une situation de crise que traverse la capitale burundaise. Elle écrit que presque toutes les rues de Bujumbura sont inondées de belles voitures, de belles maisons, dans des quartiers au standing comme Gasekewuye, tout près de Musaga, celui de Kigobe près de Ngagara et non loin de Jabé, des entassements d'églises dans tous les coins de la capitale et même dans des maisons d'habitation pour ancrer les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Selon encore l'agence, Bujumbura serait mort si les bières ne coulaient pas à flot dans de beaux bars pour arroser et réconforter les esprits meurtris par les heurts, les pleurs et d'autres maux. Bujumbura serait en ruine s'il n'existait pas de très belles filles et femmes, toujours au chevet des esprits en situation d'extrême désolation. Revue de la presse. La ministre en charge de l'éducation met en garde les écoles privées qui ne respectent pas les normes. Le journal La Voix de l'enseignant parlait des choses à corriger dans certaines écoles de la capitale Bujumbura. Il s'agit notamment des locaux dans lesquels travaillent ces écoles, les matériels didactiques presque inexistants, les enseignants qui sont toujours des vacataires, ainsi de suite. Ce sont des écoles où il n'existe ni laboratoire ni bibliothèque. Ce constat a été fait mardi dernier lors de la descente de la ministre de l'Éducation dans certaines écoles privées de la mairie, écrit La Voix de l'enseignant. La Voix de l'enseignant qui écrit également sur les grossesses non désirées à Mugamba. Il estime que si rien n'est fait, d'ici quelques années, au moins 1 sur 5 des enfants qui naîtront dans cette localité seront issus des filles célibataires. La dépravation des mœurs est une triste réalité à Mugamba, en témoigne le nombre de jeunes filles qui tombent enceintes à l'âge de moins de 15 ans. Et au journal de demander à l'administration, aux parents et aux éducateurs de conjuguer les efforts pour endiguer ce phénomène. L'agence burundaise de presse écrit sur une maladie jusqu'ici inconnue qui s'est déclarée au lycée de Bubanza. Cette maladie a déjà affecté une trentaine d'élèves. Jusqu'au 11 mai, selon l'agence, 23 filles et 7 garçons avaient été atteints. Ce qui est un peu bizarre, ils se grattent sur le sexe jusqu'à avoir de grandes plaies. La maladie a commencé à apparaître depuis le début du troisième trimestre, mais les élèves n'ont jamais osé le révéler. La direction a été mise au courant de cette situation alors que certains d'entre eux étaient déjà dans un état critique. L'hebdomadaire Iwatch revient pour parler cette fois du dialogue comme clé de la réussite dans un couple. Il écrit que les soupçons, les mésententes au sein d'un couple poussent l'un des conjoints à s'immiscer dans la vie privée de l'autre via son portable. Parfois les époux se contrôlent l'un l'autre, mais il s'agit d'un contrôle qui ne résout rien, selon notre confrère, qui énumère plus d'une cause à l'origine de ces suspicions. Il s'agit notamment du manque de confiance, la mésentente, le problème de finance, différents niveaux socio-culturels des conjoints, des attentes différentes vis-à-vis de l'autre, etc. Et au journal de conclure que ce contrôle ne résout rien, plutôt il empire la situation. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Léonce Vitaliho et Francine Ndéokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.